rap vive la nuit. Trafic illicite toute la nuit. Fonce des violences toute la nuit. On court après l'oseille sous la lumière de la lune. La vie a fait de nous génération somnambule. Mes soldats vivent la nuit. Trafic illicite toute la nuit. Fonce des violences toute la nuit. On court après l'oseille sous la lumière de la lune. La vie a fait de nous génération somnambule. Des fois je me réveille en plein dans la nuit. J'ai du mal à dormir, j'ai besoin de sortir. Je ne vis que la nuit, je ne sors que la nuit. On ne se voit que la nuit, cette chanson est faite pour la nuit. Le casier judiciaire est loin d'être intact. On a tous les problèmes du monde pour trouver un taf. Okay. Vie de couple instable, okay. Instinct trop gangsta, okay. La nuit n'est plus faite pour dormir, faut bien le croire, okay. Souvent la nuit les keufs descendent en boule D. Ils cherchent quelques grammes et des têtes cagoulées. L'argent se fait la nuit, les pochons se font la nuit. Encore une fois, il y a eu du carjacking toute la nuit. Des fois j'observe le ballet des sirènes. Jeune banlieusard juste en manque d'oxygène. Fume toute la nuit, aquarium toute la nuit. L'amour m'a brisé, je veux juste une femme pour la nuit. T'as le choix entre le crime et l'usine. Toute la nuit j'ai entendu le bruit des fusils. Des cris, des soucis, les murs en luie fine. C'est vrai que la nuit est propice au suicide. On vit à 220, le clignotant à gauche. Toujours insolent dans la démarche et l'argot. Prêt à te balafrer pour une poignée de lardons. Les souvenirs de la nuit sont souvent tatoués dans la peau. Mes soldats vivent la nuit. Trafic illicite toute la nuit. Fonce des violences toute la nuit. On court après l'oseille sous la lumière de la lune. La vie a fait de nous génération somnambule. Mes soldats vivent la nuit. Trafic illicite toute la nuit. Fonce des violences toute la nuit. On court après l'oseille sous la lumière de la lune. La vie a fait de nous génération somnambule. Découpe les plaquettes de shit. Fais plus d'oseille que les smicards de flics. Multiplie le chiffre, multi-récidiviste. Ok, c'est dur à dire, mais l'argent nous divise. On squatte les bâtiments, les halls, les cages d'escalier. Où mes négros s'enfument la tête jusqu'en devenir fou allié. Vas-y boss, toute la nuit, fais-toi un stock pour la vie. Pour nous y'a pas de retraite, pas de magie, formule secrète. Encore une fois, un homme s'est balancé par la fenêtre. Une fois de plus, un polo s'est fait tes sauts en Merco Benz. Vas-y boss, toute la nuit, fais-toi un stock pour la vie. Si t'as la dalle, la boutique ouvre jusqu'à minuit. Vendredi soir, j'ai 2 grammes dans le sang. Toujours comme ça que je rentre en soirée dansante. Tease toute la nuit, sauce les bitches toute la nuit. Elles aiment les négros parce qu'ils ont ce qu'il faut pour la nuit. Mes soldats vivent la nuit. Trafic illicite toute la nuit. Fonce des violences toute la nuit. On court après l'oseille sous la lumière de la lune. La vie a fait de nous génération somnambule. Mes soldats vivent la nuit. Trafic illicite toute la nuit. Fonce des violences toute la nuit. On court après l'oseille sous la lumière de la lune. La vie a fait de nous génération somnambule. Somnambule, boy B, somnambule, Juju, somnambule, boy Fléau, somnambule, Sirius Black, Apotrash, Nip Get Music. Encore une fois mon encre est noire.